et ta job, ton classe S claque comme tes petites cachettes. Tout s'achète, tu s'achètes calme, on se met en plaquette. Tous athlètes, du gun au glaive, nos cœurs une facette, on ne s'inquiète pas. Les armes font du bruit comme la cesse. Bosser sans suer, c'est sans doute le rêve d'un gosse fou et corps et âme. Au goût du risque, tous rués vers l'euro. L'heure est close, ici être un héros est une triste cause. L'or fait du charclos, un homme fort quand l'artiste cause. Le forfait de la street, un pôle de réussite, il ose. Reprend un ex-dollar et lui signe un contrat d'embauche. Le fort s'implique dans la souffrance des autres. Il lutte comme le citoyen, passe face à l'oppression. À l'heure des représailles, le fort retient la leçon. Il exulte car lui est juste, il ressuscite le flair. Un culte qu'il te récite ce que la rue a de plus exemplaire. État de choc, c'est hoche, l'artiste prend 10 ans ferme. Représente le numéro des crews, Sbob 95-100. Les temps sont durs, fléchir, c'est virer vers l'hospice. Bacard dealer, on riposte à la moindre esquisse. Je m'excuse, y'a trop de sang, j'ai une vision métisse. On a tous à lutter, tous à la perte, tous dans la perte. Tous, les récals qu'on voit ailleurs. Pas c'est un convoyeur, ni gun, ni usine, ni trailleur. Juste, les récals qu'on voit ailleurs. On a tous à lutter, tous à la perte, tous dans la perte. Tous, les récals qu'on voit ailleurs. Pas c'est un convoyeur, ni gun, ni usine, ni trailleur. Juste, les récals qu'on voit ailleurs. Big tout, faut qu'on brasse droit à travers le peurage. Va faire un braco à la Tony Brasco, je veux m'en sortir, demande à Janko, je resterai vrai en jogging ou en Starco. J'fuck l'État, parce qu'à nous la mise. Maintenant pour s'en sortir, faut qu'on économise. Je reste économique pour pouvoir bien vivre en Afrique. Je fais du fric propre et sale pour mes besoins, évitant de mettre du récent. J'ai pas besoin de changer ma personnalité. J'suis bien comme j'suis, personne à lutter. Vous prouvez le contraire, d'un refrain j'ai pas à te plaire. Sur une carotte à te mettre, moi j'irai la mettre. J'cours après le ralice, pas comme un mec en chien qui court derrière sa mise. Tous à la justice nous la mise, elle nous malmène. Hamza Renoir c'est la même, y'a pas de boulot, de quel culot. T'as à me dire d'aller bosser à la chaîne, ils veulent qu'on se déchaîne. Mais le hack c'est pas ça le pire, regarde ce qui s'est passé en Irak. Ils veulent qu'on craque, puis je leur ai fait la guerre, tout ça pour du pétrole. Tu sais ce que je trouverais drôle, qui va me sa bouche et que Chirac se retrouve en drôle. On a tous à lutter, tous à la perte, tous dans la perte. Tous, les récals qu'on voit ailleurs. Pas c'est un convoyeur, ni gun, ni usine, ni trailleur. Juste, les récals qu'on voit ailleurs. On a tous à lutter, tous à la perte, tous dans la perte. Les récals qu'on voit ailleurs. Pas c'est un convoyeur, ni gun, ni usine, ni trailleur. Juste, les récals qu'on voit ailleurs. Et t'as choc à l'aube d'une nouvelle époque. Entre coq et mastoc, les chemises courent après les locks. Et t'as choc face au CPE. Les rimes parisiennes craquent face aux casseurs. Scène de violence pour chaque quartier de France. Et t'as choc à l'approche de ma riposte dans les sombres. Et t'as choc pour Bagdad, tous les bombardements. À mon avis, tous des nazis. Ma réaction pour 20 années d'oppression. Et t'as choc pour leur condamnation. 2006 compte sur mon bloc. Nouvelle vision, trappe munitions. Et t'as choc pour le décès d'un de nos frères. Et t'as choc pour un martyr de sortie. Et t'as choc pour une attaque en Espagne en simultané. Et t'as choc en Asie après le passage d'un tsunami. Pour le ravage de tant de filles, c'est la cause d'esprit malsain. C'est ce qui génère un état de choc. Papa en 2006 dans les bacs, ça choc. Bah ouvre les oreilles, car t'as tiré au ginon. Et mon 9-5 s'en sort de long. Arrête de prendre l'air choqué. C'est pas de ça la paille, ça vient d'argenter. Bordel, on a tous à lutter. Tous à la perte, tous dans la perte. Tous, les récals qu'on voit ailleurs. Pas c'est un convoyeur, ni gun, ni usine, ni trailleur. Juste, les récals qu'on voit ailleurs. On a tous à lutter. Tous à la perte, tous dans la perte. Tous, les récals qu'on voit ailleurs. Pas c'est un convoyeur, ni gun, ni usine, ni trailleur. Juste, les récals qu'on voit ailleurs.